vous êtes assis. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. David Ferron scellera son enveloppe de beaux baisers dans la carte glitchée. On apprendra les choses dans la chronique éducative, c'est un fait. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 23 novembre 2015, 155 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante et notre amie Tania Baudin est toujours à Vegas en ce moment. On aurait bien aimé lui parler à distance, mais elle m'a texté qu'elle vient de rentrer à la maison à 7h, donc 4h du matin, heure de Las Vegas. Ça me surprendrait qu'on puisse lui parler. En fait, ça me dit qu'elle était active la dernière fois il y a 30 minutes. C'est pas mal quand elle m'a texté qu'elle était rentrée, ça. Hein? Donc, voilà, pour Tania Baudin, on va la retrouver demain, probablement. Sinon, dans l'émission d'aujourd'hui, on a David Ferron pour sa chronique La Carte Glitchée. Il nous présente une chronique musicale d'un peu partout dans le monde. Donc, La Carte Glitchée, on va faire ça à 8h30. On va aussi faire du site un fait. Aujourd'hui, notre chronique maison du lundi. Je vais m'auto-divertir et vous divertir. Donc, on devrait avoir une relation d'entraide. D'entraide, oui, entre vous et moi, tout à l'heure. Mais pour l'instant, tiens, pour rendre hommage à Tania Baudin qui est à Las Vegas... Peut-être, si elle revient à 4h du matin, peut-être est-elle en mauvais état. Donc voici Girl in a Sling au 89 FM. C'est fou. C'est le band Destroyer. Comme dans celle-là détruit. Et Destroyer. Puis bon. Two stars, three stars, the night sky above used to mean everything. Two horses in love, girl in a sling. How come your eyes come in and out of focus in the park all alone? Early spring, girl in a sling. Sifting through these remains for years, bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I've been sifting through these remains for years, bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there. D Destroyer et Girl in a Sling, position numéro 14 du palmarès anglophone. Ici même, c'est fou. De l'assemblage requis, on commence l'émission avec cet effet. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Ça manquait de choriste, je trouve, cette chanson-là. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On commence en Finlande, où on a de nouveaux émojis. Petra Themen, directrice de la diplomatie publique du ministère étranger en Finlande, a dit que les émojis finlandais étaient faits avec une approche humoristique, en espérant que ça parle en bien de la Finlande. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'émojis finlandais? Ben regardez-moi ça, le sens de l'humour qu'ils ont. C'est quelques corps nus, pour commencer, quelques humains nus dans un sauna. Et apparemment, ça, c'est super finlandais. Donc, on voit un garçon et une fille. Donc, cheveux courts, cheveux longs, sans aucune partie pour les définir, à part leur longueur de cheveux, quand même. Ils sont dans un sauna avec une grosse louche dans un seau, hein, quand même. Donc, on a expliqué ça sur le site web promotionnel de la Finlande, que le sauna n'a pas besoin d'être présenté. Le sauna est aussi finlandais qu'on puisse avoir et être tout nu aussi. Ensuite, le heavy metal, c'est très populaire en Finlande. En fait, la Finlande a le plus de bands metal par personne, donc per capita au monde. C'est quand même assez hardcore tout ça. On voit donc une personne, encore une fois, on sait pas si c'est un gars ou une fille, dépendant de la longueur des cheveux, on peut présumer ce qu'on veut. Les cheveux dans le visage, avec des bracelets à pic sur les poignets et un chandail noir. Ça, c'est rock, hein? Ensuite, la fierté de la Finlande, c'est le Nokia 3310. Hein, Nokia, c'est la plus grande corporation de la Finlande et en fait un pionnier dans le marché des emojis. Donc on a un téléphone Nokia, tout ce qu'il y a de plus classique, avec ses boutons en avant et son écran noir et blanc et son énorme haut-parleur en haut. Hein? L'imbrisable, l'unbreakable, comme on appelle, un des téléphones qui sont les plus vendus de tous les temps, design de Finlande. Et c'est reconnu pour sa durabilité. Hein? Voilà, pour la Finlande, une liste des 30 emojis finlandais disponibles pour téléchargement sur assemblagereki.com à partir du 30 décembre. C'est cool. Pourquoi pas? Saviez-vous qu'on appelait une seconde selon Wikipédia parce que c'est la deuxième division de l'heure par 60? Donc la première division par 60 est la minute et la seconde est la seconde. Hein, vous comprenez? C'est quand même intelligent, là. Moi, j'aurais jamais deviné ça si on m'en avait pas dit. Donc Wikipédia, merci beaucoup. C'est l'article sur la seconde. 3 ans après avoir illégalement rejoint les Marines à l'âge de 14 ans, Jacqueline Lucas est entrée en fait par infraction sur un bateau qui s'en allait à Iwo Jima. C'est ça, il s'est lancé sur 2 grenades pour protéger son équipe. Il a survécu, il a mérité la médaille d'honneur à l'âge de 17 ans. Donc il était entré dans les Marines illégalement à l'âge de 14 ans. Ensuite, notre vitesse de marche est affectée par les personnes avec qui nous sommes. Le rythme des hommes va décélérer en moyenne de 7% lorsqu'on marche avec une partenaire féminine en qui on est intéressé, envers qui on a un intérêt. Les femmes qui marchent ensemble vont souvent aller plus lentement et les hommes qui marchent avec leurs amis masculins vont aller à des vitesses plus accélérées que la vitesse normale de chacun de ces hommes-là. Intriguant, la vitesse avec laquelle... avec qui on marche? Oui, influence, dans le fond, la vitesse. C'est pas une phrase qui se tient, ça. Une personne qui s'est fait... qui a agacé, en fait, Eminem à l'école. Eminem, rapper, il s'était fait agacer à l'école par des élèves. Donc, une personne qui a achalé Eminem à l'école l'a poursuivi pour sa chanson de 1999, Brain Damage, dommage au cerveau. Le juge a refusé le cas. Il a livré le verdict en faisant un rap. J'ai pas l'extrait, malheureusement, mais en faisant un rap, c'est quand même cool. Ensuite, il y a une journée qui s'appelle Buy Nothing Day, une journée qu'on appelle donc BND en raccourci. C'est une journée internationale de protestation, de manifestation contre le consumerism, donc comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Le consumerisme, non, mais tu sais, le fait d'acheter des affaires pour rien. Donc, le premier BND a été organisé au Canada en 1992. C'était une journée pour que la société examine le problème de la surconsommation. Franklin Delano Roosevelt, FDR, a fondé une organisation pour trouver une cure contre la polio. Donc FDR, ancien président américain, une cure contre la polio. Donc on croit ce qu'il disait, c'est que si chaque Américain donnait un 10 cent, on pourrait éliminer la polio. Et étant donné ce slogan-là, donc chaque Américain, 10 cents, après sa mort en 1945, le visage de FDR a été mis sur le 10 cents et son organisation a été renommée The March of Dimes. Et ça existe encore aujourd'hui, on voit des références à March of Dimes un petit peu partout. C'est pour ça la marche des 10 cents. Et la façon, à chaque fois que, tu sais, vous me connaissez, si vous écoutez l'émission fréquemment, vous savez que j'ai de la misère avec certaines traductions en anglais. Tous mes articles dans ces chroniques-là sont en anglais. Je les traduis live comme ça. Des fois, ça peut faire quelques petits problèmes. Mais il y a quelques mots qui me causent problème, particulièrement « dimes » et « nickels ». Et je me suis donné comme appareil mnémonique dans ma tête que « dimes »,« d », hein, pour « 10 », puis l'autre, ben c'est le 5 cents. Fait qu'il faut tout le temps dans ma tête que je me dise « bon, ok, 10 pour le « dimes », donc si c'est un « nickel », c'est 5 cents. Hein? » En même temps, j'aurais pu me dire « t'sais, bon, les restaurants « nickels », ça vaut pas 5 cents ». J'aurais pu faire ça comme un... Mais je suis pas de même. De 1969 à 1977, la compagnie Ford Motor Company a produit la Pinto. Vous avez certainement entendu parler du nom Pinto, avec une faiblesse évidente qui demandait, en fait, qui faisait que le compartiment à gaz, l'endroit où on met le gaz, pouvait prendre en feu pendant une collision par l'arrière. Histoire très connue quand même. Ça coûtait, pour Ford, environ 11$ par véhicule à réparer. Mais c'est ça. Ils l'ont pas fait, hein? Donc, leur slogan à la radio était « Pinto leaves you with that warm feeling ». Pinto vous laisse avec un sentiment de chaleur. Ils ne croyaient pas si bien dire. Les ordinateurs Mac entre 1992 et 1996 étaient vendus avec du soutien technique gratuit et en direct avec une vraie personne via un numéro de téléphone pour aussi longtemps que vous étiez propriétaire de votre produit Apple. La compagnie a essayé d'arrêter le service éventuellement, mais on les a forcés à le garder étant donné une class action lawsuit, donc une poursuite. Le numéro marche toujours aujourd'hui, c'est le 1-800-SOS-APPLE. Donc sans le E à la fin parce qu'on manque de chiffres, mais 1-800-SOS-APPLE. Peter Oakley, aussi connu sous le nom de Gériatric 1927, était l'utilisateur avec le plus d'inscriptions sur YouTube en août 2006. Donc le plus de gens qui étaient abonnés à sa chaîne YouTube. La chaîne, c'était lui qui décrivait des événements du passé, entre autres le fait qu'il a servi dans l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a continué à poster des vidéos jusqu'à sa mort le 23 mars 2014. Les champignons magiques donnent une expérience tripante en créant un cerveau hyper connecté. En fait, l'ingrédient actif dans cette drogue psychédélique, c'est le psilocybine. Apparemment que ça change les réseaux de communication dans le cerveau. Ça essaie de connecter, en fait, ça connecte des régions du cerveau qui sont pas habituellement connectées ensemble, donc qui ne parlent pas ensemble habituellement. Donc c'est ce qui fait qu'on capote avec un cerveau hyper connecté. Vous connaissez Mr. T, le bonhomme avec des chaînes, des bijoux, du bling bling un petit peu partout sur lui. Il porte en fait des chaînes dorées et d'autres bijoux parce que les clients du bar où il travaillait comme bouncer perdaient bien des choses. Ou les laissait derrière eux après une bataille dans la boîte de nuit où ils travaillaient, où ils étaient bouncer. Donc, il se mettait à l'extérieur du bar avec les affaires dans son cou au cas où un client qui s'était fait jeter dehors du bar plus tôt ce soir-là, au cas où il reviendrait chercher ses bijoux. C'est pour ça que Mr. T portait ça. Évidemment, c'est devenu sa marque de commerce et il les porte encore aujourd'hui. Il y a un petit cours d'eau qui a l'air bien ordinaire à Yorkshire, qui est en fait une rivière complète compressée dans un seul petit canal très très mince. Et on dit que personne qui a tombé dans ce canal-là a jamais survécu, en fait. Il y a personne qui a survécu, ceux qui sont tombés dans ce canal-là. À son point le plus mince, le Strid, S-T-R-I-D, fait environ 2 mètres de large. Et les visiteurs, un petit peu fous, qui ont par le passé essayé de sauter par-dessus ces 2 mètres-là, il y en a qui sont tombés, évidemment, et la chute est toujours fatale. On dit qu'il n'y a pas d'incidence où quelqu'un qui aurait survécu dans les eaux du Strid. Un instant, longue phrase. C'est ça, donc l'échec est toujours fatal. Par contre, étant donné qu'il n'y a aucun incident enregistré de quelqu'un qui aurait survécu dans cette chute-là, on n'a pas de témoignage de gens qui auraient survécu. Apparemment que ça aspire les victimes dans une cave au fond de l'eau, en dessous de l'eau, finalement. Et c'est des tunnels qui sont cachés en dessous. Et on n'a pas eu personne, pas eu de témoignage de gens qui auraient survécu à ça. Lorsque l'on le porte lors d'un déploiement de l'armée, les petits badges du drapeau américain sur les uniformes sont infrarouges dans l'armée pour que les soldats puissent être identifiés comme étant dans leur gang en regardant par des lunettes de vision nocturne. Donc les drapeaux américains sur les uniformes sont infrarouge. Il y a seulement environ 12 rats par année qui entrent en Alberta au Canada et ils sont rapidement tués par les spécialistes du contrôle des rats de la province avant qu'ils puissent se reproduire. En fait, l'Alberta est le plus grand endroit populé, donc ça se dit probablement pas, mais qui est, où il y a des humains. Donc c'est la plus grande place sans rats dans le monde. Alan Funt, le créateur de Candid Camera, la version originale des caméras cachées, les juste pour rire, les gags, etc., était en avion avec sa famille. Sa famille donc a été prise en otage. Il y a eu un hijacking d'avion. Tous les passagers ont reconnu Alan Funt parce qu'il était bien populaire à l'époque. Et tout le monde pensait que c'était un sketch. Personne n'a pris le hijacking au sérieux jusqu'à ce que l'avion change de direction. Et finalement, ils ont atterri à Cuba. Mais c'était pas une attrape, c'était pas un juste pour rire les gags. C'était un peu trash comme juste pour rire les gags. Il y a une île si densément populée, on va réutiliser le mot qui s'utilise pas, de serpents, donc au Brésil. Tellement que la marine brésilienne l'a mis en quarantaine. Un biologiste a dit que sur l'île, on n'est jamais à plus de 3 mètres de distance de la mort. Cette île-là s'appelle Snake Island, l'île aux serpents. Ça fait peur. Une chance que c'est pas l'île aux araignées. C'est encore pire. Un forgeron d'art prolifique nommé Mark Landis a donné plusieurs œuvres d'art, en fait, à des douzaines de musées. Et lorsque le FBI a appris que c'était un forgeron, ils n'ont pas pu le trouver coupable de crime parce qu'il n'a jamais reçu d'argent ou d'autres avantages ou bénéfices de ses forgeries. Donc, il imitait des toiles. On peut voir des photos, des pièces originales et des pièces qu'il a reproduites sur assemblagerequis.com. S'il avait été payé ou qu'il avait reçu une déduction d'impôts, peut-être qu'on aurait pu le poursuivre. Certains musées l'ont emmené souper. Certains lui ont donné un traitement VIP, mais ça, c'était leur décision. Il n'y avait pas de perte financière directe. Voilà. Donc, c'est le gars, il faisait le tour et il donnait ses œuvres au musée sans aucun, sans aucun scrupule. Mark Landis, un des plus grands forgerons d'art de toute l'histoire. Donc, à la place de faire de l'argent de ses copies, il faisait simplement les donner aux institutions depuis les 30 dernières années. Il créait des histoires épiques sur comment il avait trouvé ces toiles-là. Des fois, il s'habillait en prêtre jésuite et en d'autres costumes. On dit que c'est un bon gars, qu'il voulait pas faire de mal. Tout ce qu'il voulait faire, c'était rendre hommage à sa mère. Il voulait donner, mais il n'avait pas les moyens. Il y a un petit documentaire sur lui qui est disponible, encore une fois, en lien sur assemblagerequis.com. Sir Arthur Conan Doyle et Harry Houdini se connaissaient personnellement, étaient des amis, de très bons amis en fait, jusqu'à ce que quelque chose tourne mal quand Houdini n'a pas réussi à prouver à Doyle que ses trucs de magie étaient des illusions. Doyle a refusé d'accepter ça alors qu'il croyait que Houdini avait de vrais pouvoirs surnaturels. Donc Houdini n'a pas réussi à prouver à Doyle que ses trucs de magie à lui, Houdini, okay, étaient des illusions. Doyle refusait de croire ce que Houdini disait, Houdini disait lui-même que ce qu'il faisait, c'était des illusions. Et Doyle le croyait pas, il croyait que Houdini avait vraiment des pouvoirs magiques. Donc, ils étaient amis à l'époque. Le magicien américain Harry Houdini est devenu lui-même un ennemi du mouvement spiritualiste des années 1920 après la mort de sa mère, même si Houdini insistait que les médiums spiritualistes jouaient des tours, donc dans le fond étaient des fraudes. Doyle était convaincu que Houdini lui-même possédait ses pouvoirs surnaturels. C'est ce qui est écrit dans le livre de Doyle, The Edge of the Unknown. Houdini était donc incapable de convaincre Doyle que tout ça était des illusions. Et puis un incident spécifique raconté dans les mémoires du livre de l'ami de Houdini, Bernard M.L. Ernst, où Houdini performait donc un truc de magie impressionnant à sa maison en la présence de Arthur Conan Doyle. Houdini a assuré à Conan Doyle que le truc était une pure illusion, qu'il essayait de prouver quelque chose à Doyle. Et puis selon Ernst, Conan Doyle a refusé de croire. C'est un peu pas mal 12 fois la même information, mais quand même intéressant. Ensuite, en 1965, des grains qui dataient de 2000 ans par en arrière ont été découverts dans un pot en Israël. Les grains ont été gardés pendant 40 ans et après les avoir plantés, un arbre qui était en extinction depuis 1800, qui était éteint complètement, qui n'existait plus depuis 1800 ans, a repris vie. Un plant nommé donc, ou surnommé Methuselah, après le personnage dans la Bible. Donc, Methuselah est remarquable, c'est le plus vieil arbre à avoir été ramené à la vie. Et aussi le seul représentant du Julian Date Palm, un arbre qui était donc éteint depuis 1800 ans, qui était déjà une source majeure de nourriture et d'exportation à l'époque. Le 11 juin 2011, Neptune a complété sa première orbite au complet autour du Soleil depuis sa découverte en 1846. Est-ce qu'on dit une orbite. Donc depuis sa découverte en 1846, pour la première fois, le 11 juin 2011. La compagnie de caméras Leica a transporté des centaines de Juifs pour les faire sortir de l'Allemagne nazie avant l'Holocauste. En mascaradant les Juifs comme des employés qui étaient assignés outre-mer, la compagnie a aidé chaque réfugié à trouver un emploi, leur a donné à chacun une caméra Leica et un petit peu d'argent jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. Donc c'est le Leica Freedom Train, un effort de sauvetage pour des centaines de Juifs. C'est dit que c'était par Ernst, le même nom que tantôt, Ernst Leitz II, de la compagnie de caméra Leica Camera Company, et sa fille Elsie Kuhn Leitz. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations pertinentes? Oui, mais bon, on les sort. Les animaux qui étaient chassés, qui sont chassés encore aujourd'hui, en fait, il y en a qui s'en vont vivre à Tchernobyl, un site de désastre nucléaire, bien sûr, parce que c'est plus sécuritaire là où il n'y a pas d'humains. Quand même intéressant, ça. la forêt a été réclamée par les animaux. C'est à peu près tout ce qu'on a d'intéressant à savoir. Ce sanctuaire, donc, pour plusieurs animaux, dont les ours, les loups, les chats et d'autres. Neil Armstrong et l'équipe de Apollo 11 ont en fait une lune sur le Hollywood Walk of Fame à la place d'avoir une étoile. Si on disait avoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, c'est juste un rond qui représente une lune. L'artiste Tim Tingle a sauvé des arbres anciens, les empêchait de se faire couper en gravant des figures, des visages dans le bois. De beaux visages quand même, façon un petit peu bande dessinée plus que des visages réalistes. Des bouches grandes ouvertes avec de grands yeux. Donc plusieurs de ces arbres-là étaient mourants ou étaient déjà morts. Et malgré leur âge, étaient allés se faire couper par une grosse chainsaw. Donc Tingle a vu le potentiel de ces vieux arbres et avec le temps a transformé plusieurs de ces arbres en chef-d'œuvre. C'est situé à Orr Park, à Montevallo, en Alabama, aux États-Unis. Voilà pour ce premier bloc de C'est un fait. On va s'en faire un autre tout à l'heure, mais pour l'instant, on s'écoute une chanson de Maud Audet, une autre pièce que je dédie à Tania Baudin, qui est à Las Vegas, Nevada. Voici, elle m'a texté à 7h du matin, il y a environ une heure. Pour elle, il était 4h du matin à Las Vegas. Elle m'a dit, je viens d'entrer dans ma chambre d'hôtel, il est 4h ici. Je suis pas sûr que ça va marcher pour faire une intervention radio. Donc la voici en train de dormir, probablement dans les nues. Assemblage de qui? Là, c'est la David Ferron, on s'en vient. Parfois dans la vie, on remet tout à demain. C'était Maud Audet avec la pièce Dans les nues, assemblage requis. Au retour, ça va être David Ferron avec sa chronique La carte bleachée. Restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fait, assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 23 novembre 2015. Tenier Baudin est en congé, je m'appelle Mathieu Plante et on reçoit David Ferron. Bonjour Mathieu. Oh non, je reconnais, non ce n'est pas David Ferron, je m'excuse, la ressemblance est éprouvante. C'est plutôt Gustave. Comment vas-tu Mathieu? Ça va très bien Gustave, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir maintenant que BlackBerry a sorti son Prive, je suis très heureux. Le BlackBerry Prive? Oui. Avec Android dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas Gustave, c'est le frère de David Ferron, visuellement similaire, un petit peu plus gras, apparemment, avec une petite moustache, puis un double menton. C'est bon, en même temps, c'est comme David. Gustave, donc, est un fanatique de Windows. Son nom, c'est Gustave de la fenêtre, n'est-ce pas? Exactement. Je sais pas pourquoi il n'y a pas le même nom de famille que David Ferron. Ça, c'est une autre question. Ouais. Est-ce que tu fais la chronique de David aujourd'hui? Oui. Ah ben, Caroline, voici la carte bleachée. C'est la carte bleachée! Non, mais carte bleachée, à quoi David a-t-il pensé? Pourquoi pas carte javelisée? Javelisée, oui. Du coup! Le français! Ouais, longue sang, loi 101, du coup! Mais oui. Mais oui! Respectons le français, c'est cool le français! Je veux dire, c'est bien, c'est sympa le français! C'est pas cool, ouais, commence pas avec des adjectifs anglophones! Mais non, c'est trop trash! Mais non, c'est adapté à une sauce francophone. Ah d'accord, quand c'est dans le dictionnaire de toute façon. Oui. C'est ça. Tout est acceptable. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Gustave? De la musique. Oh, quelle originalité! Parce que voyez-vous, j'ai essayé d'être reporter agro-médical, mais ça fut un flop. Agro-médical, ça veut dire comme agro-alimentaire, comme dans... Dans le sens que j'ai essayé d'aimer un zèbre schizophrène, mais il est mort. Oui, non, je sais pas pourquoi il est mort. J'ai entendu des coups de gun, mais je veux pas t'accuser de rien. Hein. On est à la radio, fait qu'on t'a pas vu faire. Mais moi aussi, j'ai subi des coups de fusil. C'est vrai, on sait pas de qui. Mais non. Dans un précédent, une précédente chronique. Par la personne qui ne peut pas faire de chronique aujourd'hui. La personne qui... C'est un peu grave. C'est David Ferron qui t'accuse d'avoir tiré sur Gustave, sur toi, et sur le zèbre. Bien, pourquoi... Précédent sketch. Mais pourquoi je l'aurais fait? Pourquoi toi, tu l'aurais fait, t'as tiré dessus toi-même? C'est merveilleux. Mais j'ai entendu une voix très aiguë. Une voix aiguë. Comme... Ah! Je te tire dessus! Oh, ah! Et ça, c'est une imitation de Marie Melon, un autre personnage fictif. Mais je ne crois pas que c'est elle. Non? Mais revenons à nos moutons. Est-ce qu'elle a une sœur, Marie Melon? Oublie pas que si tu lui donnes une sœur, elle a une sœur derrière, Je vais y penser. Pense-y un peu, Gustave. Je vais aller fouiller dans mes racines. Dans la Bible de l'émission. Parce qu'on faut quand même pas se tromper des faits, hein? Non, exactement, parce que c'est un fait. C'est un fait. Oui. Voilà. Et là, j'ai décidé de faire une chronique, mais comment c'est arrivé l'idée d'une chronique? C'est que un jour, dans la vie de tous les jours, pendant que je mangeais des brownies magiques, un éléphant rose se dirigea sur moi et dit « Mais vois-tu, le pauvre petit, il avait mal à la gorge. Ah, il fallait une pastille. Oui, exactement, mais j'en avais pas. Bah non. Donc il a continué à faire des « En fait, ton imitation d'un éléphant est similaire à celle de Marie Melon, je trouve. Oui, mais il a un mal de gorge. Comme Marie Melon. Oui, exactement. Mmh. Elle a tout le temps mal de gorge, mais elle a fumé des cigares, mais d'autres types de cigares, en tout cas. Genre un autre sujet, ça. Ouais. Oui, exactement. C'est trop dirt. Trop dirt? Oui. C'est dans ce cas-là, ça? Dans le mien. Dans le mien. OK. Alors, ce qui veut dire le veut dire « J'aimerais bien écouter de la musique industrielle. » Alors, mon ami l'éléphant m'offrit une pomme musicale avec une liste de chansons ayant inspiré la musique industrielle. Puis, mes tympans tombent sur une pièce du groupe au nom très réjouissant « Suicide » ou Suicide, soit la chanson Ghost Rider. Ghost Rider. Ah, tu parles un peu l'accent français quand tu parles en anglais, je trouve. Ghost Rider. OK. Mais oui. Richard Gere. Oui. Oui, d'accord. Exactement. Et Pamela Anderson. Anderson? Oui. Bah voilà. Mais oui. Thierry Ardisson et Pamela Anderson. Même combat. Exactement. Ouais. Oui, c'est cousin, je suis sûr. Même famille. Mais oui. Bah voilà. Oh, je viens de découvrir des trucs sympas. Alors, et mon ami l'éléphant rose me dit... Ce qui veut dire, mais pardi, ça ressemble à Burn Free de Emiya Emaye. Donc, on va écouter Ghost Rider de Suicide et Burn Free de Emiya. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a screaming the truth. America, America is killing its youth. Bee, bee, bee, bee, bee, bee, he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider. Yeah. C'était Born Free de Emia. Oui, Emia, pour ceux qui suivent pas l'accent français de Gustave de la Fenêtre. Et avant, c'était Ghost Rider de Suicide. Ça, c'est Ghost Rider de Suicide. Alors, vous avez vu les ressemblances? Oui, ça se ressemble, mais il y a un petit dans le temps. Ouais. Oui, et là, on va entendre en bruit de fond la pièce Love is a Hurting Thing de Gloria Ann Taylor. Love is a Hurting Thing par Gloria Ann Taylor. J'adore ton accent anglophone. Merci, moi je tolère ton accent français. Merci. C'est beau la tolérance. Oui. On écoute un extrait à plein volume. Ok? Oui. S'il y a un refrain qui s'en vient, c'est chaud. Ça dure 2 minutes 30. C'était plus loin que ça, hein, l'extrait. Non. Tout est. Alors, ça dit quoi ça? Alors, avec mon ami l'éléphant rose, nous découvrîmes, en faisant des recherches, que la pièce Window Shades, hit du palmarès anglo de Sefou, ah, c'est ça! 89 FM, qu'on peut écouter tous les mardis 15h avec Mathieu Plante et Tanishka Baudin. Tanishka Boudinoff, je pense, oui. Au complet. Ou Tania Baudin. Tania Baudin, c'est son nom québécois. Oui, et en fait, la pièce qu'on entend, en fait, la pièce Windows. Window Sheds est plutôt un sample ou un échantillonnage de la pièce Love is a Hurting Thing. Clairement, c'est la même mélodie. Hein. De la chanson, oui, et ça, ce qu'on entend présentement en fond, c'est la pièce disco de la très obscure Gloria Ann Taylor. C'est bon, dans la version modifiée. Mais ça aussi, c'est bon. Oui. Mais c'est un peu cheesy. Parce que c'est la même chose. C'est ça, c'est la même chose. Oui. C'est ce qu'on a écouté US Girls? Oui, alors on écoute ça tout de suite. Dans la carte glitchée de Gustave de la Fenêtre. Oui. Carte javelisée. Excuse-moi, oui. Petit carton. Oui. Thank you. c'était Window Shades de US Girls. Et ça, en fait, ça ressemblait beaucoup à une pièce qu'on a entendue. Mais non, Gustave, il est plus là. Ah, ok, excuse-moi. Mais non. Oui, je suis là, je n'ai pas terminé. Oui, Gustave, tu as terminé ta chronique. Mais non. Oui, Gustave, tu as terminé ta chronique. Non, David. Oui, Gustave. Gustave, regarde à ta droite. Oh, la passe du coup. Gustave n'est pas là. Gustave est dans les pommes. Et oui, et il est parti avec son éléphant turquoise parce que... Pourtant, d'habitude, Gustave est dans les fenêtres parce qu'il ne tripe pas Apple, il tripe Windows. Mais... Oui, exactement, mais là, cette fois-ci, vu que toi, t'aimes les pommes... Ben... Oui. Alors, Gustave est dans les pommes et il est avec son éléphant turquoise parce que Gustave croit qu'il est rose parce qu'il est daltonien. L'éléphant rose, début de la chronique. Là. Oui, exactement. Il est daltonien? Pas l'éléphant, mais Gustave. Ok, oui, excuse-moi. Ce qui fait en sorte que l'éléphant rose, d'après Gustave, est en réalité turquoise. Et c'est beaucoup plus réaliste, un éléphant turquoise, évidemment. Oui. Oui, bien. C'est beaucoup plus turquoise. Beaucoup plus turquoise. Oui. Le masculin de turquoise. Exactement. C'est turquoise. Oui. De surcroît. Oui. Je suis pantois par rapport à mon imagination. Merci, David, d'être là. Pour compléter la chronique? Je ne sais plus. On parle en fait aujourd'hui de chansons inspirées de d'autres ou qui utilisent du sampling, je pense. Oui, donc là, c'est ça qu'on a entendu. C'est justement la pièce Window Shades de US Girls qui est en fait la pièce qu'on entend. C'est un sampling de l'intro de Love is a Hurting Thing de Gloria Ann Taylor. Ce qu'on a entendu en fond tantôt. Exactement. D'accord. Donc là, on va entendre deux pièces de deux groupes cultes des années 60 et 70. D'abord, ce qu'on va entendre en fond, c'est une pièce de Jean-Sébastien Bach, qui est la suite à la violoncelle numéro 1, prélude en sol majeur. Et là, pourquoi je vous parle de Jean-Sébastien Bach et de sa suite qu'on entend en fond, c'est que la pièce Horizon de Genesis est justement inspiré de cette pièce-là. Et la pièce Horizon de Genesis est apparue sur l'album Foxtrot en 1972. Et Foxtrot, c'est l'album où ce qu'on voit sur la pochette, un dessin où ce que Peter Gabriel a l'espèce de tête de renard avec une jupe rouge qu'il porte sur scène. C'est la période Foxtrot. Ah. Vraiment, c'était cool Genesis avant que Peter parte. J'ai toujours été plus Super Nintendo. Ouais, parce que Phil, il est cool, mais Peter l'était plus. Ouais. Peter était cool comme chanteur, Phil aussi à la batterie. Phil Collins. Oui. Oui. Exactement. Désolé. Nous parlons de Phil. De Phil. Et de Peter. Oui. Mais sérieux, pour faire une petite anecdote, une petite parenthèse, mais les Français, parce que quand l'artiste Peter, essayer de faire une carrière en France parce que sur son album en France, eh bien, les Français lisaient pas Peter, mais... Pété. Eh oui. Ben oui, ça a l'air absolument crédible. Et voilà, c'était mon anecdote scatologique de la journée. Bon déjeuner, tout le monde! Il y en a toujours un par émission. Eh oui, faut que... On peut pas s'en empêcher. Ben non! Ça sort tout seul! Eh oui, digérer, ça fait partie de la vie. C'est ça. Comme regarder Ricardo. Ricardo, ça fait partie de la vie? Okay. Pour certains. Ah ben... C'est correct, mais là, c'est ça. Là, je vous parle de la pièce qui a inspiré la pièce Horizon de Genesis. Donc, ce qu'on entend, c'est une pièce de Jean-Sébastien Bach. Et autre tune qu'on va entendre après, c'est que là, il y a un succès, un énorme succès qu'on entend dans les radios, dans les mariages, tout le temps, partout et même nulle part. C'est que la pièce que je vais vous parler, c'est Stairway to Heaven, dont... en fait, la pièce aurait une espèce de parfum de controverse. Ah? Parce que, en fait, la fameuse introduction de Stairway to Heaven, ça serait en fait inspiré de la pièce Taurus du groupe Spirit. Et Led Zeppelin, justement, faisait la première partie de la tournée nord-américaine de Spirit en 68. Et alors, en 2014, le groupe Spirit décide d'entamer des procédures judiciaires contre Led Zeppelin pour avoir enfreint aux droits d'auteur. Parce que la pièce, selon le groupe Spirit, la pièce Taurus aurait été copiée par Led Zeppelin avec Stairway to Heaven. Et ça fait un méchant succès après ça. Quand même. Et les membres de Stairway... En fait, les membres de Led Zeppelin... stipule quant à eux que Stairway to Heaven n'est pas une copie de Taurus. Donc là, on va écouter Horizons de Genesis, suivi de Taurus de Spirit. Dans la carte Beachée. Oui. De maintenant David Ferron. Eh oui. Ça évolue, cette histoire-là. C'est ça qu'il faut. L'évolution. C'était la pièce Taurus de Spirit ou selon du proto Story to Heaven de Led Zeppelin. Mm-hmm. Et avant ça, c'est Horizons de Genesis qui est en fait inspiré de suite à la violoncelle numéro 1, prélude en sol majeur de Jean-Sébastien Bach. Qu'on avait écouté en fond tantôt pendant que tu parlais. Exactement. Donc c'est une chronique thématique sur des pièces qui ressemblent à d'autres ou inspirées de d'autres ou échantillonnant le matériel de d'autres ou encore légalement qui ne font pas ça du tout parce que le groupe dit que non, c'est du stock original, ça vient de ma tête. Ouais, puis j'aurais pu faire jouer Blurred Lines avec la pièce de Marvin Gaye aussi. Qui a causé une poursuite pour truc. Ouais, puis ils ont gagné le procès, la famille Gaye. Oui, parce que c'est clairement la même chanson. Pas mal le même. Pas mal similaire, ouais. Oh, ouais. Bref, ce succès Blurred Lines il y a deux ans, quoi. L'été d'il y a deux ans. Puis après, Robin Thicke, on sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Je sais pas moi non plus. Il a fait controverse pendant quelques mois, mais après ça, c'était fini. One hit. À cause de Miley Cyrus. Bref. Merci David Ferron. Ben, c'est moi qui te remercie de m'accueillir. Ça fait plaisir. On remercie aussi Gustave. Non. Non, ok. Parfait, comme tu veux. Son éléphant rose bleu, dépendant de la couleur de son daltonisme. Oui, ça dépend toujours de la couleur. En fait, l'éléphant, on le voit avec les yeux de notre cœur. Oui, c'est ça. La couleur est dans l'œil de la personne qui regarde. Et si t'as de la nausée, ben l'éléphant, ben ça se peut que tu le trouves un peu énervant. Ça se peut, ça. Comme si vous avez des oreilles, ça se peut que vous trouviez David Ferron énervant. On écoute à Palmarès du Monde les jeudis. Tata, titi, tatou. Jeudi à 17h. Oui. N'est-ce pas, pour une nouvelle édition de Palmarès du Monde. De retour cette semaine, après une absence la semaine passée, quoi qu'on a joué une rediffusion en ton absence, donc les gens s'en sont plus ou moins rendus compte, mais tu vas être de retour en direct ce jeudi 17h. Oui. Et ça repart samedi à 15h. Oui. Bon, parle-moi là-dessus des détails de même. Ben, en fait, pour donner plus de détails, ça se peut qu'on reçoive, si tout va bien, qu'on va recevoir Bio Bazar à l'émission. Waouh, quel privilège, lui, qui est déjà dans nos bureaux, de toute façon. Ben oui, c'est mais ça. Mais on l'apprécie tout autant. Ben, c'est bien d'avoir des artistes à proximité. Voilà. Ça fait toujours des super bonnes entrevues d'avoir des artistes avec soi. Ça arrive pas souvent à l'émission, mais quand ça arrive, c'est super le fun, puis ça donne des très beaux moments. Et on va recevoir aussi un représentant du Festival des Nuits d'Afrique, avec qui l'émission est très amie, parce qu'on reçoit souvent des artistes qui donnent des spectacles pour, justement, l'organisme. Ouais. Donc là, on va recevoir, en fait, quelqu'un des Nuits d'Afrique qui va nous parler des Cils d'or. Ça, les Cils d'or, c'est un concours. Les Cils d'or! Oui, c'est ça? Exactement. Et justement, les Cils d'or, ça permet à des artistes de s'envoler vers Montréal pour justement gagner le prix. Et ça permet notamment de parcourir des festivals, d'avoir des prix aussi, d'avoir une très belle visibilité aussi. Donc, si vous êtes un artiste qui, justement, est spécialisé dans des musiques qui représentent en fait, un bout, une parcelle de notre globe, eh bien, c'est l'idéal pour participer aux Cils d'or. Mm-hmm. Les Cils d'or. Ah, ça, là, tu trouves pas que, genre, Gilda Roy devrait la reprendre, cette chanson-là, Les Cils d'or, puis appeler ça Les Cils d'or. C'est pas pire. Non, c'est comme son émission dans le temps, là, que ça s'appelait L'île de Gilidor. C'est un jeu de mots avec Gilligan. Mais non, mais c'est vrai. T'es ça, les références. C'était à Radio-Canada, mais les gens comprenaient tellement pas le référent avec Gilligan et Gilidor. Les gens pensaient que c'était une erreur. Je te jure, la saison 2, ça s'appelait L'île de Gildor. Ils ont enlevé le I. Parce que les gens comprenaient pas, parce que les gens sont morons. Non, faut pas juger les gens. Les gens qui ont pas compris le jeu de mots, désolé, je les juge. Ben, il y en a qui savent pas c'est qui Gilligan. Ben, peut-être, genre, un petit peu de culture. Éduquez-vous donc, hein? Ouais, hein? Mais Gilligan au roi, personne ne le connaît. C'est vrai. Toi, tu le connais-tu? Non. Ben, moron. Merci. C'est ça. Merci, David. Ça revient dans ta face, là, hey, justement. Colin. Hein? Ouh, je me sens donc atteint. You judge people, I judge you. I wanna be judged. Yes. I wanna be judged by you. Retour! Plus de sites faits, on retourne à la chronique du début de l'émission et puis il nous reste cool. environ une heure à remplir, donc on va voir ce qu'on va faire avec. Restez là. T'es capable, Mathieu. Merci. Rempli. Bloup, bloup. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fait, assez fait. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Reiki en ce lundi 23 novembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin va être de retour demain, toujours à Las Vegas, Nevada, en train de dormir dans sa chambre d'hôtel parce qu'il est rentré à 4h du matin, heure du Pacifique, c'est-à-dire 7h AM, heure de l'Est. Un bon timing pour rentrer à la maison, ça, Tania Baudin. Mm-hmm. On va la retrouver donc à l'émission de demain. Mais pour l'instant, avant de continuer avec plus de C'est un fait, voici une pièce du palmarès anglophone par 1977, We Do. C'était 1977 et la pièce We Do à Assemblage Reiki. Tantôt, on a fait une grosse portion de C'est un fait et il reste encore une autre pointe. Puis moi, ben, ça me donne envie de manger ça. Voici une autre C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables selon Internet. Les sources sont sur assemblagerequis.com, bien sûr. Commençons avec l'origine de la petite banque de cochonnet. L'origine de la piggy bank qui a débuté au Moyen-Âge alors que le matériau utilisé pour faire ces pots-là, pour mettre les pièces de monnaie, c'était une argile orange qui s'appelait pig, P-Y-G-G. Par l'évolution du langage, les cultures mélangées, les pots, donc les gens qui faisaient des pots, les fabricants de pots, qui se sont fait demander de faire des piggy banks, ont commencé à les faire en forme de cochon. Bon, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des cochonnets pour mettre son argent. Le peintre Raphaël est entré par infraction dans la chapelle Sistine pour regarder l'œuvre d'art qui n'était pas encore terminée par Michel-Ange pendant qu'il était parti. Et quand il a vu la peinture, il est retourné à sa peinture qu'il avait lui-même terminée à l'église de Sant'Agostino. Il l'a complètement effacé, ou en tout cas, il a repeinturé par-dessus. Bref, il a recommencé à zéro parce qu'il était trop jaloux de ce que Michel-Ange avait fait. Le plafond de la chapelle Sistine allait avoir donc un effet profond sur d'autres artistes avant même d'être complété. Vasari, dans son livre Life of Raphael, nous dit que Bramante, qui avait les clés de la chapelle, a laissé Raphaël entrer pour examiner la peinture de Michel-Ange pendant son absence. Et en voyant tout ça, il est retourné faire ça de zéro. Ensuite, un garçon de 9 ans nommé Ben Duskin, qui était en rémission après une leucémie, a utilisé son Make-A-Wish. Vous savez, l'organisation Make-A-Wish qui permet aux enfants de faire un dernier souhait. Il a utilisé son Make-A-Wish pour fabriquer un jeu vidéo pour aider les autres jeunes patients à passer à travers leur bataille pour contre une maladie. Pas pour une maladie, c'est rare qu'on encourage la maladie. Donc c'est ça, il était en rémission pour une leucémie et pendant son traitement, Ben jouait à des jeux d'ordinateur. Il a commencé à penser s'il pouvait avoir un effet positif envers les autres enfants qui ont aussi une maladie. Donc son souhait était de faire un jeu vidéo qui allait aider les enfants comme lui qui ont un cancer, une façon de se battre et de soulager les douleurs et le stress de leur traitement. Ben a eu de l'aide de Eric Johnson, un ingénieur logiciel senior chez LucasArts, pour l'aider à faire le jeu. Donc l'objectif du jeu était de détruire les cellules mutantes et collectionner sept boucliers qui allaient protéger donc contre des effets secondaires communs de la chimiothérapie. Les boucliers étaient gardés par des monstres, donc le monstre de glace pour le froid, c'est ça. Robarf Monster pour le vomissement. Big Chicken Monster pour le chicken pox, c'est quoi, c'est varicelle ça? Fire Monster pour la fièvre. Vamp Monster pour le saignement. Q-Ball Monster pour la perte des cheveux et Tornado Monster pour quand ça te picote, ça te gratte. Trois niveaux de santé servaient comme munitions dans le jeu. De la santé qu'on avait de l'hôpital, les munitions de la pharmacie et l'attitude de la maison. Donc voilà. Donc le jeu a été bien reçu par les patients, les docteurs, les gamers à travers le monde. Il a été téléchargé plus de 200 000 fois dans les premiers mois. En 2004, Ben a été nominé par la fondation Make-A-Wish comme Unsung Hero for Compassion, donc un héros pour la compassion. Et en 2005, Ben et Eric ont été honorés par San Francisco. Ils ont pu rencontrer le Dalai Lama. Mary Wilcox, 81 ans, est la dernière personne qui parle couramment la langue de Wukshumni. Pour essayer de ramener ce langage à la vie, elle a passé 7 ans à écrire et à enregistrer un dictionnaire Wukshumni. Mary Wilcox, membre de la tribu Wukshumni, a écrit un dictionnaire au complet dans le langage de son peuple. Elle a donc fait de la sauvegarde de ce langage une mission. Elle a passé plus de 7 ans à travailler sur le dictionnaire. Le langage est maintenant enseigné aux membres de la tribu dans un centre de carrière local. Mais la langue a de la difficulté à évidemment prendre en popularité. Au-delà du niveau primaire. Par son travail, par contre, elle espère que le dictionnaire va au moins un petit peu ramener la langue Wukshumni pour les futures générations. Maintenant, Mary et sa fille enseignent de façon hebdomadaire le langage Wukshumni à des membres de la tribu pour essayer de garder tout ça en vie. On dit que c'est un concept presque impossible, sinon étrange, et d'ici 2100, la langue va être perdue au complet. L'histoire de son périple peut-être vu, regardé dans un documentaire court qui s'appelle Mary's Dictionary du Global Oneness Project. Léonard de Vinci était capable d'écrire avec une main et dessiner des images ou des dessins de l'autre main en même temps. ambidextre à l'extrême, je pense. Il pouvait dessiner avec une main, en écrivant à l'envers, même avec son autre main, en produisant un script en image miroir que les autres trouvaient difficile à lire. C'est exactement le but de la chose. Le Earth Pyramid Project, maintenant, est un projet qui aimerait bien construire une pyramide à un endroit qui n'est pas encore déterminé. Une pyramide qui va contenir des contributions de chaque gouvernement du monde, des peuples indigènes et des contributions d'enfants à travers le monde dans des chambres dans la structure pyramidale. Et ensuite, la pyramide va être scellée pendant 1000 ans. Donc, c'est ça, pendant 1000 ans. Vous pouvez voir les détails, pas mal plus longs que ça, sur assemblagerequis.com. Il y a un poisson qui s'appelle l'Urukanji Jellyfish. C'est le plus petit poisson. Jellyfish, c'est un... on va aller voir juste pour être sûr de Jellyfish. Un instant. En français. Pas dire n'importe quoi, quand même. Une méduse. Voilà. Donc, le Urukanji Jellyfish, une méduse, la plus petite méduse du monde, est aussi celle dont les gens ont le plus peur. Elle est capable de livrer une... en fait, de piquer... avec la force de 100 fois celle du cobra et 1000 fois celle d'une tarentule. Les victimes vivent ce qu'on appelle le syndrome d'Irukandji, donc les symptômes. Entre autres, parmi les symptômes, c'est des douleurs sévères à travers le corps au complet, de la nausée, suer, pas mal, augmentation du rythme cardiaque et de la pression sanguine, et une impression constante d'une mort à venir. Constant feeling of impending doom. C'est pas épeurant, ça? On le trouve dans les eaux de l'Australie et on le trouve aussi ailleurs dans le monde, dont la Floride. Ça mesure environ 1 cm3, pas plus que ça. Une méduse Urukandji, I-R-U-K-A-N-D-J-I. Allez, lien sur assemblagerequis.com pour voir une photo. Lorsque la station spatiale Skylab est tombée sur la Terre en 1979, s'est atterri à Espérance, dans l'ouest de l'Australie. Le Shire d'Espérance a... poursuivi la NASA, pas poursuivi, lui ont envoyé une facture pour $400 de déchets. Bref, finalement, ça n'a pas été payé pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'un animateur de radio ramasse assez d'argent pour payer ça de la part de la NASA. Et donc, on a émis le chèque sans intérêt, ça, je trouve ça un petit peu bête. C'était marqué donc « Paid in full », payé au complet. Espérance, là où la station spatiale Skylab est tombée. Walt Disney, sa moustache a été mise au feu, a pogné en feu. À cause de l'animateur, donc animateur, dessinateur d'animation, Ken Anderson. Ken stressait tellement, il pensait qu'il allait se faire sacrer dehors. Et donc, ça a commencé à affecter son travail. Walt Disney a donc rasé sa moustache et a passé une semaine au complet à dîner avec Ken pour qu'il ne se sente pas aussi mal. C'est gentil, hein? C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 28 septembre 2006, le conseil de ville de Reykjavik, toujours la misère à prononcer ce nom-là, je sais que tout le monde me corrige, le Reykjavik, je pense. Et les municipalités voisines se sont entendues pour éteindre les lumières de la ville au complet dans la capitale pendant une demi-heure, alors qu'un astronome renommé, un astronome renommé, parlait des étoiles et des constellations à la radio nationale. Donc à Reykjavik, on a éteint les lumières pour pouvoir vraiment comprendre ce que le monsieur disait à la radio. Il y a un instrument de musique qui s'appelle le cactus amplifié et exactement comme son nom le laisse entendre, c'est un cactus avec des microphones attachés et on peut bien sûr, évidemment, comment l'éviter, entendre la chanson Desert Wind créée sur ce cactus. Donc pour vous expliquer un petit peu, on a un cactus sur une table dans un pot, un gros cactus quand même, à côté de la laptop, de l'ordinateur portable. Ça s'appelle encore une fois le cactus amplifié. Il y a un micro attaché à ça. Très, très ambiant. On se croirait dans un épisode d'une série de science-fiction où les extraterrestres sont en train d'atterrir. Tu vois que c'est pas tous les DJ hein, qui se sentent forcés à faire des mouvements pendant qu'ils font leur DJisme. Il est juste devant son ordinateur pour dire qu'il est en train de checker Facebook. T'sais. Bref, un excellent extrait d'une chanson ici. Et là, ce qu'on voit, c'est en fait dans la vidéo, c'est le monsieur qui touche au pic du cactus, c'est le bout important, on s'entend. Et chacun des petits flics, ploup, cling, crée des sons de gouttes d'eau presque. On se croirait dans une grotte. Avec l'écho que ça fait en plus. Pas mal bon, ça. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, sur ces bruits de cactus amplifiés, peut-être vous êtes-vous déjà demandé, mais pourquoi est-ce que la cuillère de McFlurry est de cette forme-là? La vérité est enfin révélée! Une question qu'on a depuis toujours! Donc, on a tous déjà vu une cuillère de McFlurry où l'embout, en fait, le bas est une cuillère, et ensuite, ça devient un tube, et en haut, c'est vide à l'intérieur, et il y a comme une petite palette sur le côté. Donc, on se demande pourquoi est-ce que le dessus est vide et carré, et pourquoi cette petite encoche de plastique, hein? Voilà. Donc, c'est ça la raison, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Grâce à l'utilisateur de Tumblr, The Waiting Platypus, un employé officiel de chez McDonald's nous donne la réponse. C'est qu'il remplisse. Et en fait, si vous avez déjà passé 2 minutes à regarder quelqu'un faire un McFlurry chez McDonald's, ce que j'ai fait plusieurs fois, parce que à un moment donné, quand t'es curieux, va donc à la source. Hein? Donc, c'est qu'il remplisse le verre de crème glacée. On dompe les Oreos, M&M ou peu importe sur le dessus. On met la cuillère à l'intérieur et ensuite, on met le truc au complet dans la machine. Et donc, on utilise la cuillère pour brasser le McFlurry. C'est tout ce à quoi ça sert. En fait, c'est que la paille étant vide sur le dessus, on insère ça dans un embout de garniture ou de crème glacée, en fait. Et la crème glacée passe à travers la paille pour brasser le tout. Donc, il y a des photos pour vous montrer comment ça fonctionne. La cuillère tient après l'embout de la machine à McFlurry. Et il y a une petite vidéo pour regarder au complet le processus de ce McFlurry. Une étude, oui, nous apprend. Une étude scientifique nous apprend que les brassières peuvent être une mauvaise chose pour votre poitrine. C'est une étude de l'Université de Franche-Comté qui étudie les effets d'une brassière sur une période de 15 ans. L'étude a été conduite par un chercheur de sciences sportives et professeur Jean-Denis Rouillon. Sur 330 femmes âgées entre 18 et 35 ans, les chercheurs ont utilisé une règle pour mesurer les changements de la poitrine des participantes chaque année pendant 15 ans. Les chercheurs ont découvert que commencer à porter une brassière à un jeune âge n'aidait pas à réduire, à soutenir en fait la poitrine. Ça réduisait non plus pas les douleurs au dos et ça n'empêchait pas les tissus de la poitrine de descendre. En fait, ce qu'on a appris, c'est que porter une brassière pourrait augmenter le fait que les seins de la poitrine descendent. Les chercheurs ont conclu donc que les jeunes femmes gagneraient plus en muscles et en poitrine, c'est le portait pas de brassière. Pour les jeunes femmes, ne pas porter de brassière va mener à une production augmentée de collagène et d'élasticité, ce qui va donc c'est ça augmenter, qui va faire relever les seins un petit peu. Donc les chercheurs dans l'étude disaient que les brassières pouvaient affecter la circulation et réduire donc les je sais pas comment est-ce que je pourrais dire breast tone à travers le temps. J'ai personne pour m'aider à la traduction aujourd'hui. Le professeur Rouillon croit donc que plus de recherches est nécessaire sur le sujet et que ce sont seulement des découvertes préliminaires. Mais on devrait pas porter de brassière. Pas porter de poitrine, là. Non, ça, il faut porter la poitrine. Très important, madame, de porter la poitrine. Maintenant, IKEA fabrique des murs qu'on peut bouger pour vos petits appartements. Oui, IKEA, l'endroit parfait pour les gens qui ont justement un petit appartement, des meubles de la parfaite grandeur. À votre choix, bien sûr. Donc, si vous voulez la vie d'une grande ville, et c'est ça, donc, que vous êtes dans un petit appartement, IKEA va vous aider. C'est le Wall Street Journal qui nous dit qu'on teste des murs bougeables. Donc, ça fait 2 ans que IKEA teste le concept des murs bougeables dans des appartements de Malmö en Suède, évidemment. Un père, dans leur étude, a dit que le design faisait que l'appartement du monsieur avait l'air beaucoup plus gros qu'il était dans la réalité. Il dit que son appartement avait l'air d'avoir 20 mètres carrés ou encore 215 pieds carrés de plus avec le mur. IKEA a dit que le design n'est pas complet et n'est pas encore prêt à être présenté au public. Idéalement, on aimerait clarifier les instructions d'installation de ce mur-là et aussi régler quelques problèmes de sécurité. Donc essentiellement, ça va être des murs flottants qui vont flotter à moins d'un pouce du sol. Et donc on va attacher quelque chose au mur permanent de l'appartement pour donner l'impression que ce soit un mur complété. Donc, vous pouvez aller voir les petits gifs animés de comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. Donc c'est un appartement 5 en 1 dans Gramercy Park à Manhattan qui utilise un design similaire. Si on vit dans un appartement urbain ou encore dans une unité micro, dans une maison microscopique, on sait qu'on a besoin d'espace. Donc regardez ces petites photos sur assemblagerequis.com pour savoir, mais en gros, c'est vraiment des murs à tasser pas sur un rail, mais il flotte. Étrange. J'aime bien l'idée. Ensuite, allons-y avec... J'ai envie de passer à celui-là, tiens. Non, même pas, on va aller à ça. Est-ce que je termine, là? Je pense que j'ai terminé, là. Le reste, une autre fois, non, c'est un fait. Pour l'instant, on va écouter une petite pièce de musique. C'est le fun d'écouter de la musique quand je suis seul, une fois de temps en temps. Donc, les Colères à l'orange ont une entrée récente du palmarès francophone qui s'appelle Richard Desjardins. On écoute ça à l'instant. Assemblage requis sur Sifu. Pour petit peuple asservi, aux idéalistes payés pour faire la morale. Maintenant Richard sont au récit comme son bossy. Tu devrais vraiment être Richard Desjardins. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. Intéressant. T'écrirais autre chose que des clichés de Gripsou. Tu ferais des chansons pis des films militaires. Au lieu de faire semblant que tu sais tout sur tout, tu devrais vraiment être Richard Desjardins. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. T'aurais de la compassion pour les Amérindiens. T'essaierais de faire quelque chose pour l'environnement. Assis tranquille à faire soit de l'argent, soit rien. C'est toi l'enfant gâté, c'est pas les étudiants. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. La pièce Richard Desjardins des Connards à l'orange. Au retour à Assemblage requis, ben l'émission continue. Il reste une demi-heure environ à remplir. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage requis en ce lundi 23 novembre 2015. Tania Baudin a congé parce qu'elle est à Las Vegas, Nevada. Et moi, c'est Mathieu Plante. Elle va être de retour demain, Tania. Ne vous en faites pas pour ça. Dans quelques instants, on va faire son foutu palmarès. J'ai trouvé quelques petits sujets assez intéressants. Pourquoi? En fait, scientifiquement, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les lundis? On en parle tantôt, mais avant ça, la pièce c'est ta playlist dont on a créé un monstre. Assemblage requis. Thank you. On a créé un monstre, ta playlist à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment de lister les choses dans un ordre précis. Voici son foutu palmarès. Tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. Foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Dans ce cas-ci, c'est les raisons scientifiques pour lesquelles lundi, c'est poche. Hein? C'est poche. On est lundi en ce moment, nous, en direct, le 23 novembre. Et on commence avec la raison numéro 1, qui est les patterns de sommeil. Hein? Donc, on teste là de notre horloge interne. Hein? On se souvient, chaque année, quand on change d'heure, un changement d'une heure, ça peut complètement défaire ton horaire. D'une certaine façon, on se fait aussi ça à chaque semaine. Étant donné que la plupart des gens n'ont pas assez de sommeil pendant la semaine, on essaie de compenser la fin de semaine, mais dormir plus, même une heure ou deux par jour pendant deux jours, ça peut vraiment rendre ton horloge interne plutôt confuse. Selon les scientifiques, cette heure ou deux de sommeil de plus, ça fait que t'es plus fatigué au début de la semaine. Ça défait ton horloge interne d'environ 45 minutes. C'est encore plus difficile donc, de se lever le lundi, même si tu penses que t'as plus dormi et que tu devrais être correct. Tu t'es rattrapé, t'sais. Deuxièmement, le social. C'est une raison étrange pour laquelle on se sent déprimé un peu le lundi matin. Oui, c'est à cause de quelque chose qui date de l'époque de l'homme des cavernes. Les humains sont des animaux sociaux. Et pour se sentir heureux, on a besoin d'être confortable avec notre endroit, notre place dans une tribu, si on veut. Même après seulement deux jours éloignés de la tribu, selon les scientifiques, on doit s'assurer que notre place dans l'environnement de travail est toujours en sécurité, qu'on a toujours notre place au travail. Donc, faire du petit jacassage avec les collègues de travail, c'est une partie très importante du début de la semaine. Et si tu le fais pas, tu pourrais te sentir bizarre. Ensuite, troisième, c'est les changements soudains. Les scientifiques nous apprennent que lorsqu'on demande aux gens d'enregistrer leurs émotions à des intervalles régulières, finalement, on apprend que les lundis ne sont pas vraiment plus stressants ou plus déprimants que les mardis, mercredis ou jeudis. Vendredi est à l'avant-plan, par contre, parce que les gens anticipent la fin de semaine. Mais sinon, autre que ça, tous les jours sont également terribles. Mais si on demande aux gens de se souvenir de quelle journée était la pire, ils vont toujours dire, ou presque, le lundi. Ben, c'est une question du changement émotionnel à partir du dimanche, qui est une journée heureuse de fin de semaine, à part pour ceux qui font lavage d'épicerie et tout ça. Et ensuite, on change pour le lundi, qui est une journée de travail. Donc, c'est un changement marqué. Et peu importe ce qui arrive, le lundi va avoir l'air pire qu'il est vraiment. Hein? Ensuite, en quatrième de la liste des raisons pour lesquelles les lundis sont vraiment mauvais, selon les scientifiques, c'est qu'on se sent mal à propos de soi-même, envers soi-même. Une journée de fin de semaine, ben on mange mal, on boit, certains fument plus qu'à l'habitude, et tout ça, ben ça va évidemment t'abattre physiquement. Il y a une étude qui nous apprend que les femmes américaines de tous les âges et de tous les endroits se sentent le moins attirantes le lundi. Les gens voient aussi le lundi comme la meilleure journée pour changer quelque chose à leur sujet. Donc, si vous considérez peut-être une diète, peut-être qu'elle devrait commencer le premier jour de la semaine, sinon on pourrait arrêter de fumer le premier jour de la semaine, le lundi. Tout ça, évidemment, des changements positifs qui sont pas nécessairement amusants à faire, mais quand même, on dit qu'on devrait faire ça les lundis. Et c'est ce qui fait qu'on se sent moins bien le lundi, parce qu'on change les choses. Ensuite, numéro 5, on se sent moins en santé. En fait, on est moins en santé. Hein? On ne fait pas que se sentir moins bien, moins en santé. Les scientifiques nous apprennent que même les gens qui maintiennent généralement leur poids pèsent plus lourd au début de la semaine. Les lundis sont aussi la journée la plus commune pour souffrir d'une attaque cardiaque, d'un infarctus. Hein? Et même si on ne finit pas à l'hôpital, la pression sanguine est plus élevée le lundi et tes chances de tomber malade sont plus élevées aussi le lundi. Et numéro 6, finalement, sur la liste des raisons scientifiques pour lesquelles les lundis sont les pires jours de la semaine. Pires jours de l'année, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment plusieurs lundis la semaine. Selon un sondage de Gallup, 70% des gens détestent ou au mieux sont complètement... J'irais blasé, oui. Je vais utiliser le mot blasé pour l'équivalent en anglais disengaged. Donc, prennent pas ça au sérieux, sont tannés, sont s'emmerdent finalement. Ce qui contribue à ce que les psychologues et les coachs de carrière Ouais. Donc, appelle les blues du lundi. Une impression de dépression, d'anxiété, d'angoisse peut débuter un dimanche soir, menant à un lundi qui ne serait pas très productif. C'est pour ça que 37% des applications, des CV, donc pour des emplois, sont soumises le mardi, plus que n'importe quel autre jour. Donc, on a un terrible lundi à un endroit et un emploi qu'on déteste. Et finalement, on envoie notre CV le mardi. Parce que, bâtard, c'est ce qu'on veut. On veut s'en aller. Voilà. Donc, c'était les raisons scientifiques pour lesquelles les lundis sont les pires jours de l'année. Au retour, on va essayer de se faire une petite liste sur les façons que les autres pays célèbrent l'action de grâce. On va essayer ça dans quelques instants, mais avant, on écoute une pièce de Galaxy. Voici Portugal au 89 FM. C'est fou! C'était Portugal de Galaxy, assemblage requis. On était dans son foutu palmarès, alors retournons-y, subtilement comme ça. Oui. Et on parle maintenant du Thanksgiving, l'action de grâce qui a lieu cette année aux États-Unis le 26 novembre. Oui, donc on va regarder un petit peu comment célébrer l'action de grâce dans d'autres pays. Hein? Une fête ultra-américaine comme on la voit dans les films avec la tarte aux pommes, la tarte à la citrouille, etc. Mais il y a des variantes un petit peu partout dans le monde. Donc, parlons de coutumes, de dates et de pour que c'est. Hein? Mais ça tourne toujours quand même autour de l'action de la gratitude, donc de la reconnaissance. Commençons en Allemagne, une fête religieuse qui a souvent lieu le premier dimanche d'octobre. L'Erntedankfest. Dank comme danke, peut-être comme remerciement. Hein? Donc, c'est un festival de la moisson qui remercie la bonne année. Donc, dans les campagnes. On prend l'aspect moisson un petit peu plus au sérieux, un petit peu plus littéralement. Les églises dans les villes vont faire des festivals. Entre autres, on va porter l'Erntekrone, qui est une couronne de moisson fabriquée à partir de grains, de fleurs et de fruits. Donc, on commence à apprécier la dinde là-bas aussi, étant donné, j'imagine, le cinéma américain. des gros poulets qu'on appelle des mastunchen, et puis d'autres animaux comme ça qui sont préférés à la dinde pour le festin. Au Japon, Kinro Kansha no I, une fête nationale publique que le Japon célèbre chaque 23 novembre. Ça dérive d'un festival de la moisson, un rituel nommé Nina Messai. Sa définition moderne a plus de lien avec la célébration du dur labeur et de la communauté. Donc, on appelle ça Labor Thanksgiving Day, si on veut en anglais. Donc, la journée de l'action de la grâce du travail. Donc, les traditions du Nina Messai datent d'il y a plusieurs milliers d'années. Kinro Kansha no I a été créé officiellement en 1948. C'était supposé célébrer les droits des travailleurs au Japon à post-Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on célèbre ça. C'est les organisations du travail donc, qui vont célébrer ça avec des enfants qui vont faire du bricolage et des cadeaux pour les officiers de police locaux. Venons-y au Canada. Tiens, ça vient des mêmes origines européennes que les festivals de la moisson qui ont mené donc, à la version des États-Unis. Le Thanksgiving canadien, ou comme on appelle Action de grâce, a été célébré pour la première fois en 1578. L'explorateur anglais Martin Frobisher remercié donc, était rempli de gratitude envers les voyages sécuritaires qu'ils ont fait en bateau, c'est bien ça? Oui. Donc au Nunavut. Le Parlement a fait de ça une fête nationale en 1879, mais en 1957, le Parlement l'a déménagé au 6 novembre en déclarant une journée d'action de grâce envers Dieu, bien sûr, et la moisson. Le Canada a été béni, blablabla, qui va être observé donc, le deuxième lundi d'octobre. Voilà. Alors, c'était le 6 novembre avant, et on l'a déménagé au deuxième lundi d'octobre. Voilà. Donc, on mange de la dinde, de la farce, des patates pilées, de la sauce brune et du maïs. Et puis, bien sûr, des parades sont aussi traditionnelles. Ensuite, ben, il y a plein d'autres, places. Allons-y avec... Est-ce que je vais avec celui-là? En fait, je regarde ça. Puis je suis très, très attiré par cet article-là, mais pas autant qu'un autre. Donc, je vais vous laisser aller lire les Pays-Bas, entre autres, sur assemblagerequis.com, parce que j'ai envie, avec le temps qui nous reste, et j'ai pas envie de prendre plus que 25 minutes sur les chansons thèmes, parce que j'ai envie, comme on le fait quand je suis tout seul. On dirait que c'est le fun d'écouter des chansons thèmes d'émissions de télé. Donc, allons-y avec 11 chansons thèmes qu'on savait pas, mais que c'était chanté par leur vedette. Ça vous tente-tu de faire ça? On connaît Fresh Prince of Bel-Air, bien sûr. On connaît Reba McEntire, que Tania aime beaucoup, qui est absente aujourd'hui, Tania, mais quand même. Mais on connaît peut-être pas quelques chansons plus obscures, ou peut-être pas des chansons obscures, mais chantées par des gens obscurs. Par exemple, écoutons, tiens, la chanson thème de Frasier, pourquoi pas. Hey baby, I hear the blues are calling, toss salads and scrambled eggs. Oh my, and maybe I seem a bit confused, well maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Good night, everybody. Désolé pour le buzz à la fin. Oui, la chanson thème de Frasier, le compositeur Bruce Miller, oui, a eu plus d'obstacles qu'on aurait pu le croire quand on a essayé de composer la chanson thème de fermeture de Frasier. Les producteurs étaient vagues dans leurs directives, lui disant qu'ils ne voulaient pas que les paroles fassent référence directe au personnage ou au scénario de l'émission. Donc, le parolier Daryl Finesse a envoyé ses paroles et Miller était confus par la phrase « Tossed salad and scrambled eggs ». Donc, c'est ça, une salade et des œufs brouillés. Finesse a expliqué que c'est des métaphores pour les patients du Dr. Crane dans Frasier, donc les patients à qui il parle pendant son émission de radio. Et après avoir terminé la composition de la chanson thème, Miller espérait que Mel Tormé puisse la chanter, mais les producteurs ont insisté à ce que ce soit la vedette Kelsey Grammer qui chante. Miller n'a pas eu son chanteur idéal, mais quand même, tout le monde est d'accord que l'interprétation de Kelsey Grammer est assez gagnante. Ensuite... évidemment, quelques émissions américaines qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais j'ai quand même envie d'entendre la chanson thème, cette fois-ci, de Gimme a Break. Give me a break, I sure deserve it. It's time I made it to the top. Give me a break, I'm looking forward. Get behind me, pull out every stop. I want a happy ending, I'm tired of pretending. Won't let them get the best of me. Whoa, whoa, whoa, give me a break. The game is survival. Give me a break. And plan my arrival. Give me a break. For heaven's sake, what happened to my people? Give Me a Break, évidemment, Nell Carter, la vedette de l'émission. C'était une vedette du théâtre musical à l'époque, donc c'était assez évident qu'on allait lui demander de chanter la chanson thème. C'est une vedette de Broadway. Et puis elle a eu un rôle donc, dans la sitcom des années 80, Give Me a Break. La série, cette série-là n'était pas sa première non plus. Carter a gagné un Emmy pour son rôle dans la production télévisée de Ain't Misbehavin'. Elle a gagné un Tony pour la version sur scène théâtrale aussi. Ensuite, une autre que moi j'ai jamais regardée, mais quand même, voici 227. Et bien, à l'époque où Jackie Harry, actrice encore connue aujourd'hui, portait seulement le nom de Jackie. Bref, elle avait volé la vedette dans la série de Jeffersons. Marla Gibbs a reçu sa propre émission, 227, et la fille de Gibbs avait produit la version pièce de théâtre de 227, et la mère Gibbs a travaillé avec un exécutif de réseau de télé pour vendre une adaptation à la télé, qui éventuellement a été achetée par NBC. Donc, c'était plus que juste la vedette de l'émission. Gibbs était aussi coproductrice de l'émission. Et elle n'avait pas... attends un peu. Il n'y a pas grand-chose, oui, qu'elle ne faisait pas dans l'émission. Donc, elle a participé au casting, à la supervision des scripts. Et elle a co-écrit et chanté la chanson thème. On y va un petit peu plus récent maintenant avec une émission de HBO qui s'appelle Bored to Death. Ah, évidemment, HBO, hein? All the shadows in the city used to love you, what a pity. I miss the questions you used to ask me. Bored to death, cut mad and lonely. Bored to death, cut mad and lonely. Bored to death, cut mad and lonely. Bored to Death, avec entre autres Ted Danson et Zach Galifianakis, qu'on connaît du cinéma maintenant. Oui, il jouait dans Bored to Death sur HBO. Donc, étant ancien membre du band Phantom Planet, c'était bien normal que Jason Schwartzman, encore une autre vedette du cinéma, là, celui qui a les cheveux longs, bref, c'est sûr que vous allez reconnaître sa face en le regardant. Donc, Jason Schwartzman a chanté la chanson thème de Bored to Death. Schwartzman a essayé de composer une chanson alors qu'il travaillait sur le film Funny People, mais il était trop occupé. Donc, avec des courriels envoyés aux exécutifs de chez HBO, Schwartzman a inventé des aspects du thème, même s'il n'avait pas encore eu la chance de s'asseoir et de l'écrire. Et finalement, lorsque c'était le moment de montrer à HBO ce qu'il avait fait, Schwartzman a regardé ses vieux courriels et a inventé une chanson thème en dedans de 10 minutes. Bravo Jason Schwartzman. Oui, sa longueur de cheveux a changé d'année en année. Hein. Je ne connais pas les mêmes affaires que vous autres, sûrement. Ensuite, Walker, Texas Ranger. Celui-là, je pense que c'est le classique. On pouvait pas vraiment passer à côté. Chuck Norris lui-même qui chante l'intro de Walker, Texas Ranger. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. Walker, Texas Ranger. Eyes of the Ranger était le nom de cette chanson thème par Chuck Norris. Et la chanson, selon lui, parfaite pour cette nouvelle émission-là, à ce moment-là, Walker Texas Ranger. Il voulait, Chuck Norris, que son ami Randy Travis la chante, mais CBS avait une autre idée. Le réseau a suggéré Norris pour chanter la chanson thème. Ça a pris 12 heures au studio, 12 heures avec un ingénieur sonore et un producteur pour avoir le bon son, grâce à la technologie de l'audio. Donc, évidemment, on a ajusté quelques petites notes. Et aussi le fait que certaines lignes ou répliques sont parlées à la place de chanter. Ils ont trouvé une façon de faire marcher la chanson thème. Mais quand même, ça a pris beaucoup de travail, 12 heures pour ça, ce qu'on vient d'entendre. Ensuite, évidemment, est-ce que j'ai besoin de même dire le titre avant de la faire jouer? Je pense pas, je pense qu'on va juste l'écouter, tu sais. Hein? Évidemment, seulement pour les fans de l'émission, vous allez reconnaître la chanson thème de fermeture de Baywatch pour les saisons 2 et 3, donc alerte à Malibu. La vie allait très bien pour David Hasselhoff dans les années 90, marié avec un enfant qui s'en venait, sa vie personnelle allait très bien, et sa carrière musicale en Europe aussi. C'est aussi l'année où Baywatch a été lancé sur NBC. L'émission s'est fait retirer des ondes après une seule saison sur NBC, mais Hasselhoff a vu le potentiel et a décidé de devenir producteur exécutif de son revival. Donc il était producteur dorénavant et Hasselhoff s'est assigné lui-même à chanter la chanson thème de fermeture de cette version remaniée de Baywatch lors de son retour en syndication. Ensuite, allons-y avec... je vais en sauter quelques-unes pour réussir à arriver dans les temps. Allons-y avec 21 Jump Street. Tiens, pourquoi pas... One Jump Street, bien sûr, qu'on vient d'entendre, ça le dit quand même dans le titre, donc dans la chanson. Johnny Depp est bien sûr devenu célèbre après son passage à 21 Jump Street, mais c'est Holly Robinson Peake qui était la plus grande vedette de l'émission en ce moment-là. Elle est restée avec la série pendant les 5 saisons et elle a aussi chanté la chanson thème. Génial, j'adore Holly Robinson Peake depuis super longtemps, depuis Hanging with Mr. Cooper et la sitcom For Your Love, mais je savais même pas qu'elle était dans 21 Jump Street. C'est très cool. Ensuite, comme je disais tantôt, je vais en sauter quelques-unes, mais j'ai envie d'entendre Alice. Tiens, Alice. Early to rise. Elle est bizarre, celle-là. Well, in between, I cooked and cleaned and went out of my head. Going through life with blinders on, it's tough to see. In the neighborhood, there's a new girl in town with a brand new trouvez vraiment bizarre cette chanson-là. Je sais pas pourquoi on l'a utilisée en fait à la télé. Il me semble que c'est spécial. Donc Alice, l'adaptation télé du film Alice Doesn't Live Here Anymore, qui raconte l'histoire d'une veuve qui essaie d'atteindre ses rêves de devenir chanteuse en Californie, mais qui finit à Phoenix. Comme certaines des autres vedettes de cette liste de chansons-thèmes chantées par la vedette de l'émission, Linda Lavin avait déjà été sur Broadway avant de faire de la télé. Les producteurs ont décidé qu'on ne devrait pas avoir de chant de la part de Alice dans l'émission, mais à la place de focusser sur sa carrière de serveuse à Phoenix, donc la seule fois où Lavin a chanté, c'était la chanson thème. Et finalement, pour terminer sur une belle petite note, voici Sheriff à moi par Dukes of Hazzard. Ben, je place l'aiguille sur le vinyle. Just a good old boy, never meaning no harm, beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get 'em, but the law never will. Making their way. That's just a little bit more than the law will allow. Just a good old boy, wouldn't change if they could. Fighting the system like a two modern day Robin Hood. The Dukes of Hazzard, évidemment, c'est une chanson qu'on connaît quand même bien dans la vie, mais on savait pas que c'était quelqu'un. Et c'est pas nécessairement une vedette, en fait, ça change un petit peu les règles du reste de la liste. C'est Waylon Jennings qui chante la chanson thème, c'est lui qui faisait la narration de l'émission. Jennings a enregistré deux versions de la chanson Good Old Boys, donc une pour la télé et une pour la radio. Et une des vedettes de l'émission, John Schneider, fait les yee-haw à la fin de la chanson. Voilà pour cette liste de 11 chansons-thèmes qui... ben, en fait, 11. J'en ai sauté 2 britanniques, là, fait peut-être 9, mettons, chantées par la vedette de l'émission. Je me rappelle avoir fait une liste similaire par le passé. Vous m'excusez si, j'avais déjà listé quelques-unes de ces chansons-là, mais il me semble que c'était pas la même liste au complet. Sinon, il me semble que j'aurais décliqué à quelque part avant. Voilà, donc le lien est sur assemblagerequis.com pour retrouver les vidéos et l'article au complet. Et nous, ben c'est là-dessus que va se terminer cette édition d'Assemblage Requis. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain. Je remercie David Ferron pour sa participation avec sa carte bleachée, Gustave de la Fenêtre qui aussi qui a participé à cette même chronique. Demain, l'émission est mardi, on n'a pas de chroniqueur du tout demain. Donc pour compenser pour ma présence au micro seul aujourd'hui, demain ce sera Tania et moi aussi seuls pour Assemblage Requis entre 6h30 et 9h30. Restez à l'écoute, à 11h c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite à 13h, Les Délirantes, l'émission de variété. À 14h, c'est la rediffusion de Rock Classique. À 19h, Le Voyage de Célite avec culture rock, cinéma et littérature fantastique. Et finalement, à 20h, c'est Rock de Neurones. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On va se quitter avec une pièce de Metric, Lie, Lie, Lie. Et on se retrouve demain à 6h30. Passez une excellente journée. Bye-bye. Naked in the movie, make me